Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va faire un plongeon vertigineux dans le passé. Saviez-vous qu'au Canada se trouve l'un des sites fossilifères les plus importants du monde, peut-être le plus significatif pour notre compréhension de l'évolution de la vie? Les fossiles du shale de Burgess ont été découverts il y a plus de 100 ans, mais leur importance en paléontologie n'a été confirmée qu'un demi-siècle plus tard. Frédéric Bouchard nous fait découvrir ce gisement de fossiles et sa découverte. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors Frédéric, avant de rentrer dans l'histoire, il faut que tu nous expliques ce nom « shale de Burgess ». Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien mentionnons d'abord qu'un shale, c'est une roche sédimentaire, généralement friable, donc, et à grains très fins. Autrement dit, c'est de l'argile ou de la boue changée en roche. Le shale est donc très abondant à la surface de la Terre, surtout dans les grandes chaînes de montagnes. Et plus près de chez nous, dans la vallée du Saint-Laurent, par exemple, on retrouve le shale de la formation d'Utica, déposé il y a plusieurs centaines de millions d'années lors de la formation des Appalaches, et contenant le fameux gaz naturel, qu'on devrait donc nommer gaz de shale et non gaz de schiste. Uh-huh. Le schiste, c'est plutôt une roche qu'on dit métamorphique, qui a parfois rien à voir avec de l'argile. Mais trêve de sémantique géologique, revenons au shale de Burgess. Le mont Burgess, c'est un sommet des montagnes rocheuses qui fait partie du parc national de Yoho, en Colombie-Britannique. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un gisement fossilifère qui a été découvert il y a plus d'un siècle, en 1909, en fait, par le paléontologue autodidacte américain Charles Doolittle Walcott, connu pour avoir dirigé trois des institutions scientifiques les plus importantes aux États-Unis, par exemple la Commission géologique, le Smithsonian Institute à Washington et l'Académie des sciences, le National Academy of Sciences. Et alors qu'il dirigeait le Smithsonian au début du 20e siècle, Charles Walcott y avait entendu parler d'histoires de travailleurs du chemin de fer du Canadien Pacifique qui collectionnaient des fossiles qu'il disait d'insectes rocheux ou des stone bugs. Alors, ça l'a intéressé, évidemment, en tant que paléontologue. Et pendant plus de 15 ans, à partir de 1910 environ, il va revenir à chaque année dans les Rocheuses, à ce site-là, pour récolter en tout plus de 65 000 spécimens de fossiles. Avec une récolte aussi abondante, j'imagine que Walcott avait conscience du caractère exceptionnel du shale de Burgess. Bien, on pourrait dire oui et non. D'abord, oui, parce qu'il s'est immédiatement rendu compte de la richesse et de l'état de préservation remarquable des spécimens de fossiles à Burgess, qui montraient des détails anatomiques qu'il n'avait jamais pu observer auparavant dans sa carrière. Par contre, Walcott ne s'est pas aperçu à l'époque que cette faune-là comprenait des spécimens d'animaux tout à fait surprenants, très complexes, et des formes de vie éteintes aujourd'hui. Mm-hmm. Walcott était dans le fond spécialiste des fossiles très anciens, notamment les trilobites. Et en accord avec les théories de son époque, qui voulaient qu'une faune ancienne soit nécessairement l'embryon, donc une forme primitive des faunes modernes, il lui fallait classer chaque organisme dans un groupe connu. C'est ça qu'il a fait. Et c'est seulement une cinquantaine d'années plus tard, à la fin des années 60, qu'une équipe de paléontologues de l'Université de Cambridge, en Angleterre, qui a entrepris, sous l'impulsion de la Commission géologique du Canada d'ailleurs, qui a entrepris de réexaminer en profondeur la faune de Burgess. Et disposant de l'impressionnante collection de Charles Walcott, qui était entreposée au Smithsonian, mais aussi de nouveaux spécimens, et puis en utilisant des nouveaux outils de préparation de fossiles, l'équipe de Cambridge a totalement renversé les interprétations de Walcott en proposant que la faune du shale de Burgess était d'une toute autre nature, sans équivalent aux organismes modernes. Justement, qu'est-ce que la faune de Burgess avait de si extraordinaire? Bien, justement, les fossiles de Burgess sont exceptionnels pour, on pourrait dire, pour deux grandes raisons. La première, on va appeler ça la conservation des parties molles. Il faut savoir que la quasi-totalité des fossiles récoltés et étudiés par les paléontologues présentent en général uniquement les parties dures des organismes enfouis, donc coquilles, carapaces, les os, les dents, etc. Uh-huh. Autrement dit, la fraction minérale. Et à moins qu'il y ait un enfouissement très, très rapide, en milieu dépourvu d'oxygène, les parties molles, ou qu'on pourrait dire organiques, comme les tissus, les muscles, les organes, etc., sont presque à coup sûr décomposées, oxydées, avant qu'elles n'aient le temps d'être fossilisées. Mais les fossiles du shale de Burgess présentent des spécimens presque complets, incluant, bien sûr, les parties molles. On en déduit donc que ces organismes-là ont été enfouis très rapidement et préservés de l'oxydation. Donc, il constitue une richesse scientifique incroyable. Oui. Et la deuxième raison, deuxièmement, la fonte de Burgess représente littéralement un Big Bang de l'évolution de la vie, ce que les paléontologues nomme l'explosion, littéralement, du Cambrien. Okay. Le Cambrien, c'est la période la plus ancienne des périodes géologiques du Paléozoïque, ou ce que les Français appellent l'ère primaire, et ça s'étend de 540 à 485 millions d'années avant aujourd'hui, donc environ 500 millions d'années. Et en quelques dizaines de millions d'années, ce qui est plutôt court à l'échelle géologique, on va dire, de nombreux embranchements, dont la plupart sont éteints aujourd'hui, sont apparus à la surface de la Terre. Et les fossiles de la fonte de Burgess témoignent de cette explosion de diversité des genres, on en a trouvé plus d'une centaine de genres, et de complexité des formes de vie. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le site est maintenant classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces fossiles ne ressemblent donc pas à des formes de vie que l'on connaît aujourd'hui? Bien, la très grande majorité des spécimens de la fonte de Burgess représentent des formes de vie tout à fait inusitées et qui n'ont pas survécu par la suite. Pensons par exemple au genre Opabina, avec ses cinq yeux sur le dessus de la tête, sa trompe en forme d'aspirateur et terminée par une pince d'une longueur d'environ 5 à 7 cm. Ou pensons aussi au très bien nommé Hallucigenia, sorte de petit mille-pattes aquatique avec deux rangées d'épines dorsales, des épines sur le dos. Des formes de vie donc vraiment bizarres, généralement sans équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, la fonte de Burgess nous enseigne qu'il y a une différence remarquable entre la vie actuelle et celle du passé géologique. Avec un petit nombre d'espèces, le shale de Burgess représente une diversité anatomique bien plus grande que la gamme qu'on peut observer actuellement dans le monde. En un instant géologique, il y a environ 500 millions d'années, presque tous les embranchements modernes ont fait leur apparition, en même temps qu'un grand nombre de formes animales qui n'ont même pas survécu aujourd'hui. Donc les 500 millions d'années suivantes, en fait, n'ont vu naître presque aucun embranchement nouveau, seulement des variantes sur des modèles de base déjà établis. Autrement dit, l'arbre de l'évolution de la vie de Darwin, de plus en plus ramifié vers le haut, on a substitué une espèce de bosquet d'arbustes trapus. Et pour un compte rendu assez palpitant de la redécouverte de ces fossiles exceptionnels, il faut absolument lire le livre qui s'intitule « La vie est belle » de feu le professeur Stephen Jay Gould, qui était un vulgarisateur scientifique hors pair. Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour ce récit fascinant. Ça fait plaisir.